Elle a ruiné un mendiant. De Yann Neruda. Conte de Malastrana. Traduction de H. Jelinek, parue dans la Grande Revue, 1911. Yann Neruda, 1834-1891, est un des créateurs de la littérature tchèque moderne. Poète, nouvelliste, journaliste et critique, il rendit à la littérature de son pays des services immenses. Ses recueils de poésie, ballades et romances, chants cosmiques, chants du Vendredi Saint, et surtout ce pur joyau du lyrisme intime intitulé « Simple motif » placent leur auteur au premier rang des poètes slaves. En prose, à côté d'innombrables causeries pétillantes d'esprit, il donna en 1878 ses « Contes de Malastrana », d'où est extraite la nouvelle qu'on va lire. Avec un réalisme très personnel, Neruda y dépeint en de petites histoires tour à tour humoristiques et tragiques la vie du vieux et pittoresque quartier de Prague où il naquit et où il passa sa jeunesse. Je veux écrire une triste histoire, mais la figure de M. Wojtyczek m'apparaît comme une gaie enluminure. Un visage radieux de santé, roux et luisant comme un rôti de dimanche arrosé de beurre frais. Lorsque, vers la fin de la semaine, M. Wojtyczek ne se rasait que le dimanche, sa barbe blanche avait déjà bien poussé sur son menton rond et luisait comme de la crème, il me semblait encore plus joli. Ses cheveux aussi me plaisaient. Il n'en avait pas beaucoup. Il commençait sous sa calvitie ronde, sur les tempes. À force d'être gris, ils étaient déjà légèrement jaunâtres, mais ils étaient soyeux et flottaient si mollement autour de sa tête. M. Wojtyczek portait toujours sa casquette à la main et ne se couvrait que pour passer en plein soleil. Somme toute, M. Wojtyczek me plaisait beaucoup. Ses yeux bleus rayonnaient si franchement, et tout son visage était une sorte d'œil, rond et sincère. M. Wojtyczek était mendiant. Ce qu'il avait été auparavant, je l'ignore. Mais il devait être mendiant depuis longtemps déjà, à en juger par sa popularité dans tout Malastrana. Et vu sa bonne santé, il pouvait l'être encore bien longtemps, car il se portait comme un charme. Je sais à peu près quel âge il pouvait avoir à cette époque-là. Une fois je le vis comme il venait de monter, clopinant de son menu pas la butte de Saint-Jean. Il s'approcha de M. Clameur, le sergent de ville, qui, commodément appuyé à la rampe, prenait un bain de lézard. M. Schimmer, c'était le gros gardien de la paix, si gros que son frac gris semblait toujours près d'éclater et que sa tête, vue de derrière, avait l'air de plusieurs boudins suintants de graisse, ne vous en déplaise. Son casque luisant balançait à chaque mouvement sur sa grosse tête, et quand il se mettait à courir après un gamin qui, effrontément et contre tout règlement, traversait la rue, la pipe allumée à la bouche, M. Schimmer était obligé de prendre vite son casque à la main. Et alors, nous autres enfants, nous rions et pirouettions sur une jambe. Mais aussitôt qu'il nous avait regardés, nous faisions comme si de rien n'était. M. Schimmer était un Allemand de Schluchnow, et s'il vit encore, et je l'espère bien, je gage qu'il parle le tchèque toujours aussi mal qu'alors. « Voyez-vous, avait-il coutume de dire, je l'ai appris en un an. » Cette fois-là, M. Wojtyczek mit sa casquette bleue sous son bras gauche et de la main droite il explora les profondeurs de la poche de sa lévite grise. En même temps, il salua M. Schimmer qui bâillait en disant « Dieu vous aide. » M. Schimmer le remercia, touchant le bord de son casque. M. Wojtyczek finit par pêcher sa modeste tabatière en écorce de bouleau, enleva le couvercle en tirant le cordon de cuir et offrit une prise à M. Schimmer. M. Schimmer prisa et dit « Vous devez vous aussi avoir déjà un joli âge. Quel âge avez-vous donc ?»« Ma foi, sourit M. Wojtyczek, il y aura bientôt 80 ans que mon père, pour se divertir, m'aura mise à la lumière. » L'attentif lecteur s'étonne sans doute que le mendiant M. Wojtyczek ait osé parler ainsi en camarade à M. le sergent de ville. Et encore faut-il se rappeler ce qu'était à cette époque un gardien de la paix. Ce n'était pas un numéro quelconque de 1 à 600. C'était M. Novak, M. Chimère, M. Kedlitsky et M. Vess qu'alternaient pendant une journée pour la garde de notre rue. C'était le petit M. Novak de Slabé qui se tenait de préférence devant les épiciers à cause du petit verre de prunelle, le gros M. Chimère de Chlouknov, puis M. Kedlitsky de Vicherad, bourru mais bon enfant, et puis enfin M. Vess de Rojmital, un grand aux dents jaunes d'une longueur extraordinaire. On savait de chacun d'où il était, combien de temps il avait servi à l'armée, et combien il avait d'enfants. Nous autres, enfants des voisins, nous nous empressions autour de chacun d'eux. Chacun d'eux connaissait tout le monde, hommes et femmes, et savait toujours dire aux mères où leur enfant s'était égaré. Quand M. Weiss mourut en 1844, tout Ostrouova, au Tlissé, assistait à son enterrement. Mais M. Wojtyczek, d'ailleurs, n'était pas un mendiant ordinaire. Il ne soignait même pas son extérieur de mendiant trop scrupuleusement. Il avait l'air assez propre, du moins au commencement de la semaine. Son foulard était toujours soigneusement noué autour de son cou. Il y avait çà et là une pièce à son vêtement, c'est vrai, mais de couleur assez bien assortie, et non pas comme des morceaux de fer blanc cloués. Durant la semaine, il parcourait en mendiant tout Malastrana. Il avait accès partout, et dès que la ménagère entendait dehors sa voix douce, elle s'empressait de lui apporter ses 3 liards. Une pièce de 3 liards, c'était beaucoup à cette époque. Il mendiait du matin à midi, puis s'arrêtait à l'église Saint-Nicolas pour ouïr la messe de 11h30. Dans le voisinage de l'église, il ne mendiait jamais. Il ne s'occupait même jamais des mendiantes qui étaient plantées là. Puis il allait manger quelque part. Il savait tour à tour où on lui laisserait un pot plein des restes du déjeuner. Il y avait quelque chose de pondéré, de paisible dans son existence et dans ses actions. Seul le cabaretier de notre maison, M. Herzl, ne lui donnait jamais un liard. M. Herzl était un homme un peu long, un peu chiche, mais cela allait. Au lieu d'une petite pièce, il lui versait toujours de sa tabatière un peu de tabac. Alors, c'était tous les samedis, ils avaient toujours la même conversation. Hélas, monsieur Wojtyczek, les temps sont durs. Sûr qu'ils sont durs, et cela n'ira pas mieux avant que le lion du château ne s'asseye sur l'escarpolette de Vicherad. Il parlait du lion du clocher de Saint-Guy. J'avoue que le mot de monsieur Wojtyczek m'intriguait beaucoup. En petit homme raisonnable, j'avais à cette époque déjà 8 ans, je ne pouvais honnêtement douter que le dit lion ne fût capable, le jour de la foire, aussi bien que moi, de traverser le pont de pierre, d'aller jusqu'à Vicherad, et de s'y asseoir sur l'escarpolette. Mais comment un meilleur temps devait en sortir, voilà ce que je ne comprenais pas. Par une splendide journée de juin, M. Wojtyczek sortit de l'église Saint-Nicolas, se couvrit de sa casquette pour protéger sa tête contre le brûlant soleil, et traversa lentement la place. Arrivé à la statue de la Trinité, il s'arrêta et s'assit sur une marche. Derrière lui, l'eau du bassin clapotait, sonore. Le soleil chauffait. Il faisait si bon. Il quêtait sans doute aujourd'hui son déjeuner en quelque maison où l'on ne se mettait à table que midi passé. À peine se fut-il assis qu'une des mendiantes de la porte de l'église Saint-Nicolas se leva et se dirigea de son côté. On l'appelait la vieille au million. Les autres mendiants promettaient que le bon Dieu rembourserait au centuple l'aumône qu'on leur faisait, mais elle allait tout droit aux millions et millions. Aussi Madame Hermanova, la femme du receveur, qui assistait à toutes les ventes aux enchères à Prague, ne donnait l'aumône qu'à elle seule. La million marchait droit ou boitait quand elle voulait. Maintenant elle marchait droit et directement vers M. Wojtyczek, près de la statue. Ses jupes flottaient autour de ses jambes maigres, presque sans bruit. Le fichu bleu, bien tiré sur le front, se balançait de haut en bas. Son visage m'était toujours affreusement désagréable. Ce n'était que de menus rides, pareils à du fin vermicelle, convergeant vers la bouche et le nez pointu. Ses yeux étaient d'un vert jaune, comme ceux d'un chat. Elle s'approcha de M. Wojtyczek. « Seigneur Jésus-Christ, sois loué » fit-elle en minaudant. M. Wojtyczek hocha la tête. La million s'assit à l'autre bout de la marche, et éternua. « Brrr » ajouta-t-elle. Ah, je n'aime pas le soleil, il me fait éternuer. » M. Wojtyszek ne dit rien. La Million retira son fichier en arrière. On voyait tout son visage. Elle clignotait des yeux comme un chat au soleil. Tantôt ils étaient fermés, tantôt ils brillaient sous le front comme deux points verts. La bouche se contractait toujours. Quand elle l'ouvrait, on voyait en avant, dans la mâchoire supérieure, une seule dent toute noire. « Monsieur Wojtyszek, » reprit-elle, « Monsieur Wojtyszek, moi je dis toujours, si vous vouliez. » Monsieur Wojtyszek se taisait. Il tourna seulement son visage vers elle et observa sa bouche. « Je dis toujours, ah oui, si Monsieur Wojtyszek voulait, il pourrait nous dire où il y a de bonnes gens. » Monsieur Wojtyszek ne souffla mot. « Qu'avez-vous donc à me regarder si fixement ?» demanda la Million un moment après. « Qu'est-ce que j'ai ?»« Cette dent. Je me demande pourquoi vous avez cette dent. »« Ah, cette dent » soupira-t-elle et ajouta. « Vous savez que la perte d'une dent signifie toujours la perte d'un bon ami. Tous ceux qui me voulaient du bien et qui étaient sincères avec moi, tous sont déjà dans la tombe. Tous. Un seul est resté. Mais je ne sais rien de lui. Je ne sais où il est, ce mien bon ami que le Dieu miséricordieux a encore placé sur la route de ma vie. Oh, mon Dieu, je suis trop abandonné. » Monsieur Wojtyszek regardait devant lui et se taisait. Quelque chose, comme un sourire, comme une joie, passa sur le visage de la mendiante. Mais ce quelque chose était laid. Elle fit la bouche pointue. Tout son visage se contracta, pour ainsi dire, vers ses lèvres comme en queue de poire. « Monsieur Wojtyszek, Monsieur Wojtyszek, nous deux, nous pourrions être heureux. L'autre jour, j'ai rêvé tout le temps de vous. Je crois que le bon Dieu le veut ainsi. Vous êtes si seul, Monsieur Wojtyszek. Vous n'avez personne pour vous servir. On vous aime partout. Vous avez pour vous beaucoup de bonnes gens. Voyez-vous, j'emménagerai chez vous, j'ai un peu de linge. » Cependant, M. Wojtyszek se levait lentement. Déjà, il se tenait là, debout, tout droit, et arrangeait la visière de sa casquette. « Autant prendre de la morora » éclata-t-il enfin. Elle se retourna sans un salut. Lentement, il marchait vers Ostrova Outlice. Deux boules vertes brillantes le suivirent jusqu'à ce qu'il eût disparu au coin. Ensuite, la Million tira son fichu jusqu'au menton, et longtemps elle resta là, assise, sans mouvement. Peut-être s'était-elle endormie. Des bruits étranges commencèrent soudain à filtrer par Malastrana, et chacun à qui il parvint se gratta l'oreille. « Monsieur Wojtyszek, voilà ce qui revenait souvent dans les causeries, et un moment après on entendait de nouveau « Monsieur Wojtyszek ?» Bientôt j'appris tout. Monsieur Wojtyszek n'était même pas pauvre, paraît-il. Monsieur Wojtyszek possédait sur l'autre rive deux maisons. Il n'était pas vrai qu'il demeurât quelque part au-dessous du château. Il se payait la tête des bons voisins de Malastrana, et depuis si longtemps. L'indignation vint. Les hommes se fâchaient, se sentaient offensés. Ils avaient honte d'avoir été crédus. « Vaut rien, » disait l'un. « Au fait, » raisonnait un autre, « l'a-t-on jamais vu mendier le dimanche ? Ce qu'il le passait probablement dans son palais à manger du rôti ?» Les femmes hésitaient encore. Le bon visage de M. Wojtyszek leur semblait vraiment trop sincère. Mais vint la suite de ces rumeurs. Il aurait aussi deux filles qui faisaient les demoiselles. Elles ne sortiraient que gantées et ne feraient que se promener en voiture à Stromovka. Cela fut décisif, même pour les femmes. Presque en 2 fois 24 heures, le sort de M. Wojtyszek fut changé. On lui refusait toutes les portes, sous prétexte que les temps étaient durs. Là où on lui laissait des restes de déjeuner, il entendit que rien n'était resté aujourd'hui. Ou bien, nous sommes de pauvres gens, nous avions seulement des petits pois à déjeuner, et ce n'est pas pour vous. Les gamins sautillaient autour de lui et lui criaient « Monsieur le proprio, monsieur le proprio !» J'étais un samedi devant la maison et je vis M. Wojtyszek qui s'approchait. M. Herzl se tenait, comme d'habitude, devant la maison avec son tablier blanc accoudé contre le montant de la porte. Involontairement, par une sorte de peur inexplicable, j'entrai en courant dans la maison et me cachai derrière l'épaisse porte. Par les fentes des gonds, je voyais M. Wojtyszek qui s'approchait. Sa casquette tremblait dans ses mains. Il ne venait pas avec son gai sourire de jadis. Sa tête était penchée, ses cheveux jaunâtres ébouriffés. « Loué soit Seigneur Jésus-Christ, » salua-t-il de sa voix ordinaire, et en même temps il leva la tête. Ses joues étaient pâles, l'œil comme voilé. « C'est bien que vous veniez, » dit M. Herzl. « Monsieur Wojtyszek, prêtez-moi 20 000 florins. N'ayez pas peur de les perdre, ils seront en bonne hypothèque. J'ai l'occasion d'acheter une maison là, à côté, au Cygne. » Il ne finit pas. Soudain, des larmes jaillirent des yeux de M. Wojtyszek. « Pourtant, » sanglota-t-il, « pourtant j'ai été toute ma vie si honnête. » Chancelant, il traversa la rue et s'affaissa à l'endroit où la rue tourne pour monter vers le château. Il posa sa tête sur ses genoux et pleura. J'entrai brusquement dans la chambre de mes parents, tremblant de tout mon corps. Ma mère était près de la fenêtre et regardait dans la rue. Elle demanda « Qu'est-ce qu'il lui a dit, Monsieur Herzl ?» Je regardai fixement par la fenêtre Monsieur Wojtyszek qui pleurait. Ma mère était en train de préparer le goûter, mais à chaque moment, elle s'approchait aussi de la fenêtre, regardait au dehors et hochait la tête. Soudain, elle vit Monsieur Wojtyszek se lever lentement. Vite, elle coupa une tranche de pain qu'elle posa sur un pot de café et sortit à la hâte. Elle appela, fit des signes du seuil. Monsieur Wojtyszek ne voyait rien, n'entendait rien. Elle alla jusqu'à lui et lui tendit le pot. Muet, Monsieur Wojtyszek la regardait. « Tu veux vous le rendre » murmura-t-il, enfin. Et puis il ajouta « Mais maintenant je ne peux rien avaler. » De ce jour, M. Wojtyszek ne mendia plus à Malastrana. Sur l'autre rive, il ne pouvait naturellement aller quérir d'une maison à l'autre. Les gens ne l'y connaissaient pas, et les sergents de ville non plus. Il s'établit sur la placette du Clementinum, juste en face du poste militaire qui se trouvait à l'entrée du pont. Je l'y voyais toutes les fois que nous allions le jeudi après-midi, notre jour de congé, à Star et Miesto, voir les vitrines des libraires du Rink. Sa casquette renversée était devant lui, sur le sol. La tête était toujours courbée sur la poitrine. Ses mains tenaient un chapelet. Il ne faisait attention à personne. Sa calvitie, ses joues, ses mains ne brillaient plus et ne rougissaient plus comme naguère. Le teint jauni s'était ratatiné en des rides écailleuses. Dois-je le dire ou non? Mais pourquoi ne le dirais-je pas? Que je n'ai jamais osé aller directement vers lui, mais que je me glissais derrière le pilier afin de pouvoir lui jeter par derrière, dans sa casquette, une pièce d'argent, toute ma fortune de 3 mois, et m'enfuir au plus vite. Un jour, je le rencontrai sur le pont. Un sergent de ville le menait à Malastrana. Depuis, je ne l'ai plus revu. C'était par une matinée glaciale de février. Il faisait encore une demi-obscurité au dehors, et la fenêtre n'était qu'un gros morceau de glace fleurie, où la lueur du poêle se reflétait, couleur d'orange. Devant la maison, le bruit d'une charrette et l'aboiement des chiens. « Va donc me chercher 2 mesures de lait, » ordonna ma mère. « Mais enveloppe-toi bien. » Dehors, la laitière se tenait debout sur la voiture. De l'autre côté de la voiture, je vis M. Kedlitsky, le gardien de la paix. Un bout de chandelle brûlait doucement dans la lanterne carrée. « Comment, M. Wojtyszek ?» demanda la laitière. Elle cessa de fouetter le lait. Il était officiellement interdit aux laitières de fouetter le lait pour faire monter la crème. Mais M. Kedlitsky était bon enfant, je l'ai déjà dit. « Oui, » répondit-il, « nous l'avons trouvé après minuit à Wizd, à côté de la caserne d'artillerie. Il était tout à fait gelé. Nous l'avons porté à la morgue, chez les carmélites. Il n'avait qu'un habit déguenillé et un pantalon. Il n'avait même pas de chemise. »